L'Arbre d'or, histoire vénitienne, par Alfred de César. Chapitre 1er. Ruse d'amour. Vers le centre de Venise s'élevait, au XVIIe siècle, un élégant palais d'architecture byzantine. Un certain mystère entourait cet édifice. Jamais on n'en voyait les salles éclairées par des girandoles de cire rose, renvoyant au plafond constellé d'or et d'azur les feux d'une nuit de fête. Pourquoi ? Dans une gondole qui ne s'écartait pas de ce point, trois jeunes patriciens attachaient-ils si fixement leur regard sur ce palazzo désert et morne. Ces trois amis avaient nom Baltasar Prostighi, Leopoldo d'Altieri et Giuseppe Germani. Également adonnés au plaisir, ils avaient ensemble traversé les plus belles années d'une jeunesse agitée par le jeu, l'amour et même la haine. Ces passions, à l'état d'habitude, avaient gravé sur leurs traits une sorte d'indifférence sceptique, qui se traduisait par un sourire flottant et railleur. Mais telle n'était plus l'expression familière au chevalier Prostighi. On eût été frappé de voir avec quelle sombre énergie il toisait les fenêtres sculptées qui décoraient le palazzo. « Vraiment, » dit Leopoldo, jouant d'une main distraite avec les glands de son collet, « nous aurions un peu le droit de te prendre en pitié, cher Baltasar. » Quelle aberration à toi d'avoir voué un culte platonique à une femme que tu ne peux voir. Depuis le départ de Valerio Tiepoli, Donna Aurelia, sa cousine, n'a-t-elle pas cru devoir porter le deuil moral de l'absent? Oui, ajouta en riant Giuseppe, comme s'il était nécessaire de garder fidélité à des gens qui s'en vont combattre les infidèles. C'est précisément, dit avec gravité Baltasar, ce qui a soutenu ma persévérance. Les chances m'ont manqué. Mais la guerre peut m'en donner 10. Une seule suffira, fit observer Leopoldo. En attendant, caro mio, n'oublie pas le proverbe qui veut que l'homme cède lui-même pour être aidé du ciel. Je ne l'oublie pas. Et tenez, voici le moment de mettre à exécution un projet que j'ai médité. Regardez. La porte du palazzo venait de s'ouvrir. Deux formes de femmes, l'une svelte et jeune, l'autre vieille et inclinée, parurent au haut des degrés de marbre du perron et descendirent pour prendre place dans une gondole. « Attention, Tito !» cria Baltasar à celui de ses gondoliers qui tenait l'avant. Tito fit de la tête un signe affirmatif et aussitôt il se mit à opérer une manœuvre volontairement fausse, car bien que les barcaroles excellent à éviter toute rencontre, il dirigea l'esquif de façon à heurter rudement par le travers le léger bâtiment où Aurelia et sa tante Donna Lucrezia venaient de se placer. Ce choc imprévu fit tomber à l'eau l'un des gondoliers de la jeune signora. Mais le pauvre diable était d'une agilité rare. Il eut bientôt fait de s'accrocher et de remonter à bord, tout en vociférant des malédictions contre la balourdise de Tito. « Assez, Tony !» dit Aurelia, en s'avançant hors de la felche. Tony, tout en se secouant, continua de grommeler, mais à demi-voix, des jurons et des menaces. Les deux gondoles flottaient côte à côte. Baltasar alors se montra, l'air très ému, le chapeau à la main. S'étant incliné profondément, il formula ainsi ses regrets. « Noble dame, je suis désolé de la maladresse de mon gondolier. Daigne votre seigneurie me permettre de lui faire toutes mes excuses. Je me nomme le chevalier Baltasar Prostighi. Je tiens dans l'état un rang assez important. « J'ose croire que si, » la jeune fille ne parut pas avoir saisi le sens de ses paroles. Elle prit un air dédaigneux, ramena son voile sur son frais visage et disparut dans l'intérieur de la petite chambre flottante, laissant Baltasar outré de dépit. Dans le premier moment, les trois gentilshommes semblèrent ne pouvoir articuler une parole, tant l'impression reçue par eux avait été vive. Solidaires de la ruse, ils partagèrent la mortification qui en était la conséquence. L'un avait vengé son amour méconnu, chez les autres, l'amour-propre avait été froissé. Enfin, le fier Prostighi dit d'un ton menaçant, « Je le dompterai, ce cœur sauvage, et quand je serai le maître, malheur à celle qui m'a humilié, comme je ferai tomber goutte à goutte les larmes de ses beaux yeux. « Voyons, » intervint Leopoldo, « la partie ne doit pas être considérée comme perdue. » Donna Aurelia s'est montrée réservée, soit. Peut-être a-t-elle conservé à son cousin Valerio un souvenir romanesque. Les femmes sont si bizarres que l'absence est souvent près d'elles un titre sacré. Mais s'ensuit-il que tout espoir soit anéanti pour toi, cher Balthazar, que tu n'aies pas le droit de te présenter dès demain, aujourd'hui même, à ce palazzo toujours fermé, comme la caverne d'un enchanteur, et de mieux formuler dans une visite les excuses que le vent de la lagune a emportées ?»« Aujourd'hui, dit Balthazar, ce serait un empressement malséant. Demain, au contraire, je me présenterai. Allons, Tito, conduis-nous au ridotto de Léopardo d'Ostia. Il n'y a que les émotions du jeu qui puissent me faire prendre patience. Léopardo d'Ostia est un banquier chanceux, mais moi, je suis la Bassette, un joueur encore plus heureux que lui. » Et la gondole s'éloigna.